Bonjour à tous. Alors, bonjour à tous et bienvenue à Marseille, où l'Université de Provence a la gentillesse de nous accueillir pour une semaine où nous allons essayer de parler d'édition électronique ensemble. Et je vais tout de suite donner un mot d'introduction au président Jean-Paul Caverny de l'Université de Provence, qui nous concède ses locaux dans le cybercentre ici pour ses journées et qui a participé aussi au financement de l'Université d'été, ainsi que l'Université de Provence est aussi une des tutelles du Centre pour l'édition électronique ouverte qui organise cette manifestation. Monsieur le Président. Bien, bonjour, je suis venu vous dire bienvenue. Je ne resterai pas, et j'en suis très déçu, ce n'est pas que ce que j'ai à faire soit plus important que ce que vous faites, mais il est important que je le fasse. Alors, dans ces quelques mots d'introduction, je voudrais d'abord vous dire que l'Université de Provence est fière et honorée que vous l'ayez choisie pour construire le futur. L'Université de Provence, comme Marin Dacoste vient de le dire, est impliquée dans les projets dont vous allez discuter et elle est aussi fière et honorée d'accueillir l'unité mixte de services dont nous avons signé la convention officiellement vendredi. Et nous espérons qu'avec les autres institutions qui ont vu l'importance de l'édition numérique ouverte, nous permettrons à cette édition électronique ouverte d'aller de l'avant. Alors, ouvert, c'est un des mots importants parce que cela signifie que, contrairement à d'autres démarches qui techniquement pourraient être équivalentes, ici, il y a une philosophie de libre accès qui ne peut que être bien accueillie par le monde de la recherche, qui est un monde par nature coopératif. Néanmoins, dans le développement de vos travaux, vous allez rencontrer inévitablement deux questions que j'ai pointées de mon point de vue. Je ne suis pas un technicien, mais ayant la charge d'une institution, il m'arrive, quand j'ai un zeste de temps le week-end, de réfléchir. Donc, vous allez avoir un premier défi économique. Ce matin, je venais assez tôt pour éviter les embouteillages à l'université et j'ai entendu sur une chaîne grand public, que je ne citerai pas parce que je ne veux pas faire de publicité, qu'une grande firme japonaise, dès qu'on a dit ça, on voit à peu près de qui il s'agit, au salon du numérique qui a dû avoir lieu quelque part en Europe du Nord, a proposé l'annotation de livres électroniques. Et donc, m'a immédiatement fait penser à ce que vous avez dit vendredi. Donc, pour rester libre sur l'accès ouvert, je pense qu'il y a un combat à mener. Et pour sa part, l'Université de Provence aidera dans la mesure de ses moyens, mais elle n'est pas seule à mener ce combat. Le deuxième impact que cette démarche aura nécessairement, c'est un impact psychologique. Ceux qui me connaissent ne s'étonneront pas que je prononce ce mot, parce que cela va sans doute modifier, peut-être pas d'ailleurs aussi radicalement qu'on l'imagine, mais cela va modifier la production de connaissances qui, jusqu'à aujourd'hui, vais-je dire, était plus individualiste qu'elle ne pourrait donc l'être demain. D'ailleurs, une production scientifique collégiale, quel bonheur cela suscitera pour les institutions, une interrogation sur les critères pour le développement des carrières de ces personnels qui aujourd'hui me semblent trop focalisés sur les personnes alors que le travail est collectif. Voilà, donc vous êtes là pour produire les moyens de la pensée collective de demain. J'ai vu aussi que vous avez des réflexions plus politiques à côté de réflexions techniques. Et je voudrais une fois de plus saluer ici à Marseille, à Aix-Marseille, tout le travail que Marin Dacos a fait et fera, comme il l'a dit lui-même, avec beaucoup d'humilité, entouré par plein de personnes, et en particulier l'équipe Clio, que je salue encore. Je ne doute pas que vous inscrirez à Marseille, lors de cette première université d'été, la première pierre d'une construction qui est appelée à avoir des lendemains qui chantent. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente école d'été. C'est encore l'été, ce sera l'été toute la semaine, et donc je vous souhaite excellent travail. Merci. Merci, Monsieur Caverny. Alors, nous allons, vous connaissez le programme, donc on ne va pas vous le redonner, mais donc la première heure de cette matinée est consacrée à une présentation du contexte de l'université d'été, puis à une présentation de la notion de cyberinfrastructure par Yannick Ménien, qui est le directeur du Très Grand Équipement à Nice. Le Très Grand Équipement de Nice étant lui-même une cyberinfrastructure. Donc je vais commencer par le commencement, c'est-à-dire par le rappel des partenaires qui ont soutenu et rendu possible cette université d'été. Donc l'Institut des sciences humaines du CNRS, c'est-à-dire l'ancien département des sciences humaines, l'Institut des sciences de l'homme à Lyon, le Très Grand Équipement à Nice, la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme à travers le Polymation et l'ANR IMASUD, les Presses Universitaires de Lyon et le Programme Européen OAPEN, qui travaille sur la mise en ligne de bibliographies scientifiques en libre accès, ainsi que Unibook, qui a imprimé pour nous les volumes du Read-Write Book, le livre inscriptible qui vous a été confié dans votre sac ce matin. Alors, on peut dire qu'on a six objectifs cette semaine. D'abord, essayer de mettre au point un état de l'art, parce qu'au fond, dans un domaine qui bouge très vite, il est difficile de stabiliser un état des connaissances, et il me semble qu'il est temps de le faire, car il est possible de le faire. Ça bouge encore beaucoup, mais il y a des choses sur lesquelles nous avons quelques idées précises et quelques idées claires. Et je crois qu'il est temps de mettre un premier étage à la connaissance cumulative qu'est une connaissance professionnelle autour de l'édition électronique. Et je crois que nous allons le faire autour de le deuxième objectif, qui est la mise en place des enjeux. Troisième objectif, c'est la mise en place d'un vocabulaire commun. Ce n'est pas du tout la plus petite des affaires. Et ce n'est pas simplement parce qu'on a des fois du vocabulaire anglais et que quelques esprits francophiles souhaitent qu'on passe en vocabulaire français, ça va beaucoup plus loin que ça. Il faut arriver à se comprendre, et dans les différents métiers d'édition électronique, ce n'est pas simple. Ensuite, nous avons pour objectif de construire une expérience concrète autour de notions souvent théoriques, ce qui est l'explication de la mise en place de conférences le matin et le soir, mais aussi de cours puis d'ateliers, qui devrait permettre de stratifier des pratiques différentes, donc des approches plus générales et puis des approches beaucoup plus pratiques devant des machines sur des choses que vous connaissez, que vous allez approfondir ou des choses que vous allez découvrir. Les deux derniers objectifs me tiennent beaucoup à cœur. Le cinquième est donc celui de la mise en place d'une communauté de pratique. La communauté de pratique qui existe déjà, en fait, à travers la bookinosphère, cette blogosphère des gens qui travaillent autour du livre, qui sont très nombreux et très variés. Et il me semble que nous avons ici l'occasion de nous rencontrer, d'échanger et de prolonger cette bookinosphère dans des dimensions physiques. Et puis le sixième point, c'est la préparation d'un manuel de l'édition électronique, qui est l'objectif. Et oui, on va être embêté par Windows sans doute. Qu'est-ce que tu conseilles? Je redémarre ou pas? Peut-être pas. Donc, la préparation d'un manuel de l'édition électronique qui devrait être la synthèse d'un certain nombre des éléments qui ont été aperçus cette semaine. Alors, on va essayer d'arriver à faire marcher les machines. Voilà. J'espère que vous y voyez. Peut-être qu'il faudra éteindre les lumières. Non. Vous y voyez ? Oui. Alors, donc, j'arrive à avoir le bouton. Voilà. Ça, c'est une publicité pour un éditeur américain ou anglais qui suggère que le livre et l'écriture et la lecture va peut-être profondément changer. Et ça pourrait servir de fil rouge métaphorique à notre université. Donc, université de l'édition électronique, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la galaxie Gutenberg se décompose à très grande vitesse. Elle se décompose à travers tout un tas de phénomènes, notamment le phénomène Wikipédia qui a bouleversé la notion et l'économie de l'encyclopédie, mais aussi à travers le recul très marqué de la presse, et recul très, très inquiétant puisque les études sur la lecture montrent que c'est pas qu'un phénomène contemporain, mais c'est aussi un phénomène de génération, c'est-à-dire que les générations les plus jeunes achète de moins en moins la presse, et que la dématérialisation du livre est en train de sortir de terre. Je parle d'un grondement sourd par opposition, parce que normalement on ne devrait rien entendre ni rien voir si c'est dématérialisé, mais au fond on sent que ces 7 millions de livres numérisés par Google Books sont quand même un coup de semonce pour le monde du livre, et ils annoncent des jours intéressants pour l'avenir du livre, mais aussi des jours inquiétants. 7 millions et bien d'autres, puisque ce nombre de livres augmente rapidement. Et derrière, on a l'Open Content Alliance, qui a numérisé aujourd'hui 1,4 million de livres, et Europeana, qui en annonce 3 millions, mais c'est 3 millions de documents. On ne sait pas combien de livres dedans, parce qu'il y a du son, des gravures, des images, etc. Et effectivement, en 2000, les premières liseuses n'ont pas marché, mais les liseuses sorties en 2008 semblent avoir ouvert un marché, en particulier du côté d'Amazon et de son Kindle, qui ont déjà constitué un véritable marché avec une économie. Plus de 30% des ventes, quand un livre est vendu par Amazon en papier et en électronique, il est aujourd'hui vendu à 30% en électronique. Sur le Kindle, évidemment, on ne parle que des États-Unis, puisque le Kindle est une liseuse qui n'est vendue qu'aux États-Unis, et on ne peut pas l'utiliser en dehors du territoire américain, sauf en bidouillant deux, trois petites astuces comme le font certains parmi nous. Ils font déjà du business et ils annoncent que les livres ne sont pas morts, mais ils sont simplement en train de devenir numériques. Mais en n'étant pas morts, ça c'est certain, en devenant numérique, ça aussi c'est certain. Ils vont changer fortement la donne, et les acteurs du passé ne seront peut-être pas les acteurs du futur. Et en particulier, il y a trois grands acteurs, Apple, Amazon et Google, qui cherchent à verrouiller le marché, c'est-à-dire à mettre des cadenas partout où ils le pourront, si on ne les en empêche pas ou s'ils ne s'en empêchent pas mutuellement. Les DRM ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Il y en a tout un tas d'autres, et le principal, ce sont les canaux de diffusion, ainsi que les formats et les protocoles de diffusion. Et donc, à commencer de façon assez forte, la guerre des formats, des protocoles, des tuyaux et la guerre des prix. Hein, vous savez qu'on considère qu'Amazon vend en perte les livres électroniques qu'il vend. Et il les vend à $9.99 et... la profession s'inquiète de ces prix, et si une concurrence se met en place, si les prix continuent à baisser, on peut aussi s'interroger sur l'avenir de l'économie du livre. Mais ce qui m'inquiète plus encore, c'est l'avènement de ce qu'on appelle un Minitel 2.0, c'est-à-dire un Internet qu'on aurait enfermé dans une machine et qui serait redevenu un robinet comme l'a été le Minitel. C'est-à-dire, dans le Minitel, pour pouvoir avoir le droit d'écrire sur le Minitel, pour pouvoir vous adresser à un lectorat, vous alliez taper à la porte de France Télécom et vous demandiez l'autorisation d'avoir un accès. Donc vous aviez un certain nombre d'émetteurs qui étaient rares, parce qu'on avait créé de la rareté au niveau de l'émission, et en revanche nous étions tous des récepteurs, hein. C'est pour ça que le modèle de la télévision ou du robinet fonctionne assez bien. Le Minitel, ce n'est rien d'autre qu'une télévision numérique en réseau, et Internet, c'est tout à fait autre chose, puisque vous avez autant normalement le pouvoir d'écrire que de lire, hein. C'est ça, read-write. C'est-à-dire que normalement, on devrait être dans une symétrie entre la capacité d'écrire et la capacité de lire. Déjà, on a un problème avec l'ADSL qui est asynchrone, c'est-à-dire que vous avez beaucoup moins de capacité d'émission de données depuis votre poste de travail chez vous que de réception. Hein. Vous avez un débit descendant qui est de 2 mégas, vous avez un débit montant qui est de 10% de ça. Il n'y a aucune raison technologique pour expliquer ça. Il y a juste un souhait de contraindre les libertés d'écriture. Et donc, il y a bien un problème politique dans ce domaine. L'industrie du livre va-t-elle donc basculer comme l'industrie de la musique, devenir à la fois plus numérique, plus difficilement rentable et surtout avec des canaux de diffusion très concentrés, hein, je pense à iTunes bien entendu, je pense donc à iTunes et à l'iPod aussi, hein. On s'intéresse beaucoup aujourd'hui aux liseuses, alors le iPod est pour la musique l'équivalent de la liseuse qui est le Sony Reader ou le Kindle. Rappelez-vous que les premiers Walkman numériques sortis par Sony, les Discman, avaient un format totalement propriétaire, totalement verrouillé, et donc on était obligé toujours de passer par les formats de Sony, et le MP3 nous en a libéré, même s'il ne s'agit pas d'un format ouvert. Pour le livre, on ne sait pas encore, et on ne sait pas non plus si les éditeurs vont survivre, ou plus précisément, quels éditeurs vont survivre. Et donc, on s'interroge sur les mutations que va subir le livre face à ce tremblement de terre qui s'annonce et qui a même commencé. Ce qu'on constate, c'est que le livre tel que nous le connaissons est en voie de désintégration. Les trois révolutions historiques qu'avait identifié Roger Chartier sur l'émergence du livre sont en voie de disparition. Le codex qui organise le texte en pages, le libro unitario qui associe un objet physique distinct à chaque œuvre et l'imprimé qui matérialise le texte, sont trois dimensions qui semblent ne plus avoir cours. Donc le codex qui organise le texte en pages, le libro unitario et l'imprimé matérialisant le texte sont des dimensions qui semblent périmées. Alors nous proposons que de considérer le livre nouveau comme un texte, avant tout, et pas tellement comme un livre. Un texte qui sera ou qui serait immatériel, fluide, qui s'écoulerait comme un flux, qui prend diverses formes, et là c'est même des formats, le format EPUB, le format Mobi Pocket, le format PDF, le format TEI, XHTML, DocBook. Ah, j'ai mis deux fois TMI, vous voyez, je suis fasciné. Et ici, j'ai mis quelque chose d'assez surprenant. J'ai mis la notion de ping, parce que ce n'est pas que des problèmes de format, c'est aussi des problèmes de communication, d'échange. Et pour que les livres se mettent à converser entre eux, pour les livres entrent dans une conversation comme les blogs le font, il va bien falloir qu'on mette en place ce qu'on appelle le rétrolien, hein, comme on a dans les blogs. Et pour faire un rétrolien, il suffit de faire un ping, c'est-à-dire envoyer un minuscule message à la destination, je cite ce livre, je lui envoie un ping. Ça, personne ne le fait aujourd'hui, mais les blogs le font tous. Donc, pourquoi pas introduire la notion de ping et de rétrolien. Ah, j'ai perdu mon fil. Et du coup, là aussi, format RSS, format Atom, OIPMH, ODPS, tous des sigles qui devraient, peu ou prou, ne pas vous parler. Et qui ne nous parle pas à tous, parce qu'au DPS, il n'y a qu'un spécialiste dans la salle, et l'OIPMH, il y en a 4-5 ici. Voilà, donc on ne saura pas tout sur toutes les technologies, et on ne va pas ici apprendre à encoder en flash un livre, ou en JPEG, parce qu'il y en a encore aussi beaucoup de livres en JPEG. Mais simplement pour vous dire qu'au niveau des formats et des protocoles, il y a un foisonnement, et l'idée n'est pas de rendre la chose impossible, mais au contraire de la simplifier. Ce qu'il faut entendre quand même dans cette diversité des formats, c'est qu'ils ne sont pas neutres. Quand on oppose Mobi Pocket et EPUB, il y en a un qui est moins bon que l'autre, mais au fond, ils ont un peu les mêmes logiques. Alors que quand on oppose le JPEG au PDF et au Flash, là, on est dans des autres univers, il n'est pas certain qu'on ait les mêmes écritures. En tout cas, les mêmes fonctionnalités, les mêmes capacités. Je vais essayer de me venger sur Windows plus tard. Voilà, donc autre qualité ou caractéristique, il est reproductible, il est donc pléthorique puisque la rareté n'est pas nécessaire, en tout cas par le numérique, ne rend pas la rareté nécessaire. Dans le papier, on voit bien que produire un livre de plus, c'est plus cher. Produire une copie de plus d'un fichier PDF ou EPUB, c'est pas nécessairement plus cher. Et donc, ce qui change, c'est qu'on entre dans ce qu'on appelle l'économie de l'attention. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup d'objets et peu de lecteurs. Alors on dit, aujourd'hui on est fasciné par le nombre d'internautes, 1 milliard, 1,5 milliard, 2 milliards, bientôt 6 milliards, mais en réalité, ils sont bien plus nombreux que les documents, en tout cas que les documents qui peuvent les intéresser, et ce qui est difficile pour les documents, désormais, c'est de trouver leurs lecteurs. Avant, on était dans une économie de la rareté, il y avait peu de livres et beaucoup de lecteurs. Maintenant, on entre dans une économie de l'attention, où il va falloir capter l'attention. Il ne suffira pas du tout de déposer sur le réseau 5, 6, 10 ou 50 millions de livres. D'ailleurs, si je vous demande qui est allé lire un des 1,4 million de livres qui se trouvent disponibles sur l'Open Content Alliance, levez le doigt ceux qui ont déjà lu un livre sur l'OCA, l'Open Content Alliance. Alain Pierrot, voilà, Adrien Gardeur, et voilà. Voilà, deux spécialistes du livre et fournisseurs de données, etc. 1,4 million de bouquins qui vous ont tous échappé. C'est invraisemblable. Hein? Alors pourquoi ça vous a échappé? Parce que l'Open Content Alliance fait du bon boulot, mais ne le fait pas se connaître. Google Books fait du mauvais boulot et le fait connaître. Donc vous voyez bien qu'il y a un écart entre produire et faire savoir. Et là, il y a des besoins absolument nouveaux. Qu'il va falloir mettre en place. Alors, le livre indexable, évidemment, aussi, et c'est fondamental. C'est ça qui nous avait beaucoup déçus dans les premières liseuses, parce qu'il n'y a pas de moteur de recherche dans Sony Reader, donc c'est un peu dommage. Sémantisable, je ne vais pas dire sémantisé, parce que sémantiser, c'est très compliqué. Donc on peut lui donner du sens au livre, mais encore faudra-t-il savoir comment on va le faire. Il est aussi liable, ça c'est fondamental, on va pouvoir le lier le livre à l'intérieur de lui-même, lier les livres entre eux, lier les livres avec d'autres objets, avec des sources, avec des textes, avec des propos, avec des vidéos, avec des sons, avec des pensées. Et puis il est piratable aussi. Alors, pour éviter d'être piraté, le Readwright Book, il est en libre accès, en PDF téléchargeable librement, mais on a un législateur qui a posé une expertise juridique en inventant l'ADOPI, et il a lancé là des combats d'arrière-garde pour essayer d'arrêter les ouragans avec des ombrelles. Donc il est également annotable, et ça c'est fondamental, annotable avec des tags, donc des mots-clés, annotable parce que vous pouvez le mettre en favori, mais aussi avec des annotations au sens propre, c'est-à-dire vous pouvez ajouter ça c'est intéressant ou une remarque, une contradiction ou une information. Alors pour ça on est en train d'inventer des choses. Il y a les Ifbook qui invente Comment Press, qui est un outil d'annotation. Il y a le Readwright Book qui vous propose l'idée que l'annotation est la base du livre nouveau, c'est-à-dire qu'on va pouvoir participer à l'écriture du livre parce qu'il devient inscriptible. J'y reviendrai. Ce Readwright Book qui est le fil rouge de l'université d'été, parce que nous allons en faire ce qu'on pourra, c'est-à-dire le bidouiller, le triturer, le manipuler, l'étirer, l'agiter, et il sera le fil rouge pédagogique, j'y reviendrai tout à l'heure, d'un certain nombre d'ateliers. Et les idées claires qu'il faut avoir maintenant, c'est sur les enjeux, et je propose quelques points mis en évidence par Michael Ken. Il en avait mis en évidence 12, mais j'en ai retenu que quelques-uns. Premier élément, tous les éditeurs sont des moteurs d'information, pas des producteurs d'objets. Je dirais plus précisément, plus des producteurs d'objets. Ou bien, ils ne l'ont jamais été des producteurs d'objets, mais on les a confondus avec ça pendant un certain temps. Deuxièmement, donc c'est son troisième point à lui, les connexions entre les livres ajoutent de la valeur à tous les livres. Donc si vous posez les livres isolément les uns des autres, vous allez construire des isolats. Et vous leur apporterez peu de valeur intellectuelle, mais aussi peu de valeur commerciale et peu de valeur de visibilité, donc de lisibilité. Un essai est seulement le début d'une histoire, c'est-à-dire qu'il se passe tout un tas de choses, et il s'est toujours passé tout un tas de choses après la production de l'essai, c'est-à-dire on l'a lu, on l'a commenté, on en a fait le compte-rendu, la critique. Ce qui va se passer avec le numérique, c'est qu'on va pouvoir regrouper ou identifier tout ce qui se passe dans cette histoire, et du coup, faire des couches de cet oignon qui est le livre désormais. Même les livres de fiction se connectent à tous les autres livres, nous dit Michael Caine. Ça, je l'apprends de lui, parce que pour moi, c'était pas tout à fait évident. Peut-être qu'on arrivera à mieux le comprendre petit à petit, mais dans le milieu universitaire, en revanche, c'est évident tout de suite. Des métadonnées profondes de livres ont plus de valeur que le livre lui-même. Alors là, il parle de valeur commerciale, c'est un Américain, donc bon. Il y a la valeur aussi intellectuelle, mais c'est important. On va parler tout le long de cette semaine de la question des métadonnées, de la structure, de la qualité de l'information. Et vous allez vous rendre compte petit à petit qu'on est très très loin du compte, y compris au sein de Pôle Édition électronique ouvert, donc je peux le dire d'autant plus confortablement. Et dernier point de sa proposition, les lecteurs vendent plus de livres que n'importe quel éditeur. Au fond, il ne dit rien d'autre que le lit bouche à oreille, ça marche. Le problème du bouche à oreille sur le numérique, c'est qu'il est un peu différent du bouche à oreille historique, et qu'il faut considérer le lecteur comme un acteur du livre. Et il est également temps de construire, de reconnaître des métiers, c'est l'objectif de cette université d'été. Les métiers qui doivent donner le meilleur du texte électronique, qui doit être lisible. Alors, lisible, je vous propose en trois grandes dynamiques, donc lisible en lui-même en trois subdivisions, décrit grâce à un format ouvert, recomposable. On entrera dans le détail de toutes ces notions au cours de l'université. Conservable. Deuxième axe, manipulable, c'est-à-dire indexable et cherchable. Copiable et collable. Annotable, donc inscriptible. Et puis citable, ça c'est ma marotte et je vais vous embêter demain avec ça. C'est-à-dire identifiable. Vous avez ici un exemple d'un article de ZDNet sur les éditeurs français et italiens qui se soulèvent à nouveau contre Google Livre. Et puis, quand je lis avec Google Reader sur un iPhone, voilà ce que j'ai. Alors, il n'est pas identifiable visuellement, parce que sa mise en page est complètement explosée, mais en plus, l'URL a changé. Google a mis en place un proxy pour recomposer ma page au prétexte que je suis sur un téléphone. Donc, je lis cette ZDNet sur Google. Pas grâce à sur Google. Et donc là, je pense qu'il y a un vrai problème, parce que si je cite ce document-là, l'adresse du document n'est pas la bonne. C'est l'adresse qu'a inventé Google. Et donc, je peux en avoir autant d'adresses que de documents, que de, je dirais, de voleurs de documents, parce que je veux aller. Deuxième point, pour qu'il soit citable, il faut qu'il soit correctement décrit. Voici le podcast de France Inter, l'invité de je ne sais pas quoi, l'invité. Et je vous le propose de le comparer avec le podcast d'RTL. Qu'est-ce que vous pensez de la différence? Moi, j'en pense que France Inter a du travail. Parce qu'il faut donner un nom aux choses. Sinon, je ne sais pas ce que je vais écouter. Hein, il n'y a pas de texte dans un podcast. Il n'y a que 250 caractères qui décrivent un podcast. Il faut donc un titre, une métadonnée. Je vous prie, messieurs et dames, de donner des titres à vos documents. Ça m'aidera. Du coup, je vais écouter RTL parce que sur mon iPhone, je ne comprends rien à France Inter. C'est quand même un problème. Alors, ceci étant dit, depuis une semaine, tous les podcasts de France Inter sont en panne. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Une autre illustration. Voici des fichiers que j'ai, des livres que j'ai achetés ou téléchargés. Et dites-moi lequel vous allez lire. Le rapport Tatino, parce que vous savez ce que c'est, à condition de savoir ce que c'est. Enfin voilà, hein, ça c'est, je les ai téléchargés, Accueillir le numérique, je l'ai acheté à 5 euros. Il s'appelle Accueillir le plus, num%e9ri.pdf. Je l'ai payé 5 euros quand même. Et siècle2.pdf, vous verrez demain ce que c'est, puisqu'en fait c'est le début de mon introduction. Mais vous verrez que ce qu'on fait nous à Revue.1, c'est pas beaucoup mieux. Ça, je vous le montrerai demain. C3, interopérable, c'est fondamental, le livre doit devenir interopérable, on est en train de parler de serveur de livre, de livre-serveur. Et puis conversable, pas conservable, conversable, pour qu'il puisse entrer dans la conversation. Et là j'ai été jusqu'à présent très généraliste en parlant du livre en général, et je vais essayer de ne pas redémarrer. Yannick, j'espère que tu tiendras le choc quand Windows t'agressera. Pour l'édition électronique scientifique, d'un point de vue technologique, il nous semble que les enjeux sont très proches. D'un point de vue économique, on a quand même une différence, c'est que l'open access a posé depuis très longtemps le modèle économique et que nous, en tant qu'universitaires, le savoir qu'on diffuse pose pour nous un problème. Le problème de l'open access pose le problème, ou la question, résout le problème un problème de justice, d'efficacité et un problème politique. L'efficacité d'un document qui est coincé dans un tiroir et que personne ne peut lire est quasiment nulle. Et donc on se demande à quoi sert le financement de la recherche publique si on n'arrive pas à la mettre en open access. Après, derrière, c'est plus compliqué. Parce qu'il faut quand même arriver à financer tout ça. Mais ce qui change le plus, c'est l'aspect scientifique. D'abord parce qu'il y a un impact très fort qui vient des mesures et des évaluations des chercheurs et de la recherche dont a parlé le président Cavernier en introduction. Et avec le numérique, il y a beaucoup de changements et pas toujours neutres ou rarement neutres. Et puis, un problème de saturation informationnelle, on a trop de documents, hein, c'est l'économie de l'attention, redite différemment. On a trop à lire, comment est-ce qu'on va faire? Il y a des gens qui proposent d'écrire différemment, c'est-à-dire d'écrire sous forme d'équation nos articles pour arriver à les lire plus vite. Il y a des gens qui proposent des résumés automatiques, il y a des gens qui proposent de travailler ensemble. Il y a plusieurs méthodes. Et puis, tout ça propose une nouvelle donne pour l'édition électronique, donc une nouvelle économie de la lecture, hein, c'est-à-dire cette économie de l'attention, puis les liens, la navigation, etc., qui changent. L'organisation nécessaire d'un savoir toujours plus vaste, actuellement relativement mal organisé. Et donc une question tout simplement pratique, comment est-ce que je fais pour me souvenir, pour comprendre, pour lire tout ce qui doit être lu, et qui finit par devenir une question épistémologique. Le XXe siècle fut celui des derniers géants. Le XXIe siècle pourrait être celui de l'intelligence collective. Et donc le chercheur, enfin Blaise Pascal, au XXIe siècle, je ne sais pas s'il pourrait émerger. Je crois qu'aujourd'hui, on ne pourra pas travailler sans être plusieurs ensemble. Et c'est ce qu'essaye de dire le Read-Write Book. Mais du coup, quelle intelligence collective? Est-ce que c'est une décérébration collective? Et avec quelle méthode? Avec quelles règles? Quels outils? Premièrement, on pense qu'on va devoir partager autant en amont qu'en aval. C'est-à-dire qu'on va forger les idées avant de les imprimer. On va travailler sur le séminaire virtuel permanent. C'est une expression de André Günther pour décrire le blog scientifique. Sur la conversation scientifique qui devient un paradigme fondateur, qui était déjà le paradigme du séminaire, mais qui va devenir encore plus important et qui va dépasser les frontières matérielles, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas au 54 Boulevard Raspail, vous êtes en train de faire un séminaire à Marseille, vous pouvez quand même contribuer à des recherches qui se produisent à l'École des hautes études en sciences sociales, car le numérique change des choses. Et la conversation scientifique pourra avoir lieu tout au long de la vie du texte, en amont et en aval, j'insiste. Cette idée qu'on va entrer dans l'ère du livre inscriptible avant qu'il soit publié et après qu'il soit publié. Et donc on va peut-être changer l'économie de l'écriture elle-même. Et c'est pour ça qu'on essaye de poser les questions de l'avenir du livre en question à travers les conférences du soir qui ont été pensées comme étant des conférences publiques. La dernière se produisant à la bibliothèque municipale à vocation régionale de la ville de Marseille, à la BNVR, à l'Alcazar, qui est un très bel endroit où l'université, nous les spécialistes du livre en fait, nous allons venir vers la lecture publique pour essayer de réfléchir ensemble à l'avenir du livre. Voilà, je vous remercie, je vais laisser la parole à Yannick Magnin. Et quand il aura terminé, pendant qu'il se met en place plus précisément, il faut vérifier que QuickTime a marché. Voilà. Je vais vous dire deux, trois points sur les aspects pratiques. D'abord donc que le livre, vous allez l'utiliser au cours, vous allez l'encoder en TV, vous allez l'encoder en EPUB, vous allez l'enrichir avec des éléments multimédia, vous allez créer un blog d'éditeur autour de ce livre, etc. Vous allez même devenir Bob Stein et Timorei pour faire comme si vous étiez l'auteur qui soumet à une plateforme de manuscrits son article pour voir comment comment ça se passe. Et puis, on a mis en place un wiki qui va vous permettre de prendre des notes et d'avoir des retours. Il y a on dépose nos présentations sur le wiki. Et il y a une liste université d'été à clis.revue.org qui est la liste à laquelle vous êtes tous abonnés normalement, sur laquelle on peut échanger, ainsi que un forum, un tag Twitter, et je reviendrai sur ça tout à l'heure pour être plus précis, en vous montrant si il nous reste le temps, sinon je le ferai ultérieurement. Et seulement, dernier point pour vous dire que donc, sur le wiki, pour avoir accès à toutes ces informations, vous allez sur leo.hypothèse.org, sur la colonne de droite, vous avez le flux Twitter qui est répercuté dans une colonne bleue, et aussi sur la droite, vous avez un lien vers le wiki de l'Université d'été, qui a une adresse, une URL un tout petit peu longue. Donc vous allez pouvoir le parcourir, il y a le programme, et on va ajouter des liens, des références bibliographiques, et vous pouvez aussi y ajouter vos propres notes sur votre page personnelle. Yannick, je te laisse... Merci, bonjour. D'abord, je souhaite remercier les organisateurs, Université de Provence, Marin Dacos, pour cette invitation. Marin m'a demandé de faire en introduction une brève, 20 minutes, un bref éclairage sur une dimension internationale, mondiale des infrastructures, des cyberinfrastructures. Vous imaginez bien que je suis complètement écrasé par la responsabilité et mondiale et cyber-infrastructurelle de la question. Donc veuillez me pardonner de beaucoup d'approximations, des remarques ou des questions que je poserai ici. Très simplement, votre université d'été est complètement même sur l'édition électronique. Indication, l'édition électronique est bien sûr l'un des éléments d'une infrastructure scientifique, de recherche ou d'enseignement supérieur. La question de la lecture est au cœur du problème, bien sûr, la question de l'accès aux documents. Après tout, l'infrastructure à la fois matérielle et intellectuelle du chercheur, du savant et de l'étudiant, on la connaît depuis Alexandrie, ce sont des documents, ce sont des musées, ce sont des cabinets de découverte, ce sont des archives, et c'est tout cela qui, effectivement, depuis quelques dizaines d'années, est en train de devenir, par le biais de l'immatériel, l'infrastructure de travail de ces communautés. Dont la transformation du livre dont vient de parler Marin Dacos, bien sûr, qui se trouve au centre. Alors, mon propos va être un peu abstrait, c'est de la réflexion, c'est pas du tout des affirmations gravées dans le bronze ou dans le marbre. Elles sont issues d'un travail que nous menons ensemble, y compris d'ailleurs avec Cléo Marin Dacos et son équipe, au sein du TGE à Denis, donc très grand équipement du CNRS dans les sciences humaines. Un très grand équipement pour les sciences humaines, on va voir que ce n'est pas une chose éventuellement si simple que ça à penser. D'abord, je crois qu'une infrastructure, au sens simple du terme, c'est un réseau. On connaît ça depuis, là aussi, l'Antiquité, c'est des réseaux routiers, c'est des réseaux postaux, c'est des réseaux d'infrastructures électriques, électroniques, des ferroviaires, d'assainissement. C'est des choses qui permettent, le mot infrastructure veut bien dire ce qu'il dit, que la vie des hommes, que les fonctions sociales, culturelles se développent. Alors bien sûr, souvent ces réseaux sont purement locaux. Un réseau d'assainissement est sur une ville, un réseau routier sur un pays, un réseau ferroviaire. Alors bien sûr, il y a des problèmes d'interconnexion, d'interopérabilité, tout ce que vous voulez, largeur des rails. Et on retrouve bien sûr tous ces problèmes. La question de la liaison du local au global est bien sûr fondamentale à tout niveau. Et le global, maintenant, c'est le monde. Et une infrastructure... Je reprends ce schéma de document que les Américains avaient fait sur une réflexion en 2007 sur les infrastructures. J'ai oublié de mentionner le titre. Understanding Infrastructure, Dynamique, Tension et Design. C'est un mélange de social et de technique. C'est toujours du social et du technique. C'est jamais du technique pur, si tant est que le technique pur puisse exister. Mise à jour automatique, bon. Il ne faut rien faire. D'accord. socialement, il ne faut rien faire. Alors, bon, cette génération, une fois... Ah, par contre, ça me... Plutôt redire... D'accord, merci. Oui, c'est vrai, plus tard. Alors, pour focaliser un peu, bon, dans les sciences, c'est vrai pour toutes les sciences, c'est d'abord un problème de discrétisation de données et de codification des données, hein, qui fait qu'elles deviennent numériques. Hein. Alors, ça, c'est pas trivial, parce que qu'il s'agit de chaînes de caractères, de pixels, de formes, de scanner en 2D, en 3D, qu'il s'agit de relevés, qu'il s'agit de statistiques, qu'il s'agit d'enquêtes quantitatives ou qualitatives. Toutes les données... là, non pas de la nature, mais des faits sociaux, culturels, humains, il faut les discrétiser, c'est-à-dire les binariser ou les informatiser. Il y a une capacité de traitement et souvent de calcul, hein, quelquefois de calcul de grande dimension. Nous sommes confrontés, nous, à des demandes de calcul en géolocalisation, en traitement de données 3D, des problèmes de publication de documents, hein, toute forme de publication, depuis l'archive ouverte jusqu'à la publication élaborée, et Marin a parlé longuement de ces questions-là, et publication dynamique ou de redocumentarisation, comme disent certains, mais aussi de problèmes de communication et de partage. Alors c'est un peu à la mode avec le web 2.0, mais ça a toujours été, Marin l'a rappelé, le cœur aussi du travail scientifique, de travailler ensemble, hein, donc de rendre les choses accessibles, collaboratives et partagées. Et puis un problème fondamental d'archivage et de réutilisation. Les données scientifiques doivent être constamment disponibles, doivent être pérennes. Hein, donc la question de la continuité de la donnée scientifique, indépendamment des formats, indépendamment des logiciels, indépendamment des systèmes d'exploitation, est fondamentale. Et nous-mêmes, nous sommes engagés avec, par exemple, le CINES à Montpellier, le Centre de calcul N2P3, sur une forte opération d'archivage pérenne qui font que dans... 350 000 ans, des scientifiques pourront continuer à travailler sur les mêmes données que les nôtres, indépendamment des systèmes d'exploitation. Je pense qu'ils n'en auront plus à l'époque. Voilà. Donc, une infrastructure numérique, très banalement, c'est ça, au sens général. C'est tout un ensemble de fonctions où, à chaque fois, il y a des performances informatiques ou de télécommunications qui viennent... alors... qui viennent rendre utilisables ces systèmes. Alors, là où c'est un peu compliqué, et là où je voulais inviter à réfléchir, c'est que l'Internet, c'est lui-même un réseau qui est issu des milieux scientifiques. Alors, aussi des milieux scientifiques, mais aussi militaires. Enfin, les militaires et les scientifiques sont assez proches, souvent. Cette mise en réseau de réseaux, et cette mise en réseau sans centre et organisée en nœuds de périphérie, c'est ARPANET. C'est, donc, depuis 20 ans, 30 ans, c'est dans ce réseau d'interaction humaine conçu par les scientifiques... Et un peu aussi par les militaires, qu'on voit se développer tout ce qu'on connaît actuellement. Hein. Il y a une question qui en découle, c'est le leadership américain des grandes sociétés, hein, qui maintenant se matérialise par Google, mais avant qui était IBM, Microsoft, Apple, Oracle et autres. Il y a une question effectivement stratégique ou politique même, hein, qu'on voit... de façon contemporaine, avec le développement des services, hein, quand on pense au déploiement des panoplies Google, Google Books, Google Scholar et autres, et des questions qui, encore récemment, je le cite pour l'exemple, hein, ont été remis sur la table de l'actualité, avec les questions de collaboration ou de non-collaboration entre la Bibliothèque nationale de France, Google et les projets européens. Voilà, donc il y a un contexte de l'électronique en ligne, hein, qui fait que, qui pose une question de comment s'inscrit une infrastructure de recherche dans ce cadre-là. Alors, là aussi, il y a des choses qui sont propres à l'université, à la recherche. C'est effectivement des politiques d'open access sur lesquelles je vais revenir. La volonté de mettre à disposition de plus en plus ouvert, de plus en plus large, les données même de la recherche et pas simplement les documents ou les publications, les éditions de la recherche. Alors, toujours un peu dans le même ordre d'idées, un peu dans le désordre de ces idées, je dirais, le numérique, c'est effectivement une infrastructure. D'une part, toutes les sciences ont besoin d'infrastructures, de grandes infrastructures. Je cite ici l'Observatoire virtuel d'astronomie de Strasbourg, mais ça peut être le Large Hadron Collider, ça peut être, et ainsi de suite. Les grands équipements, qu'est-ce que c'est? Très simplement, c'est le fait de mettre en commun des moyens qu'aucune des équipes ou des universités ou des pays même ne pourrait maîtriser seul et a besoin de la collaboration, a besoin, pour des raisons d'économie d'échelle, de mettre en commun pour avoir une part de service dans un accélérateur de particules, dans alors, est-ce qu'un grand équipement en sciences humaines et sociales est du même ordre? J'en doute. C'est bien sûr, dans ce que j'ai décrit tout à l'heure, par exemple l'archivage pérenne, quelque chose qui ressemble assez fort à une infrastructure technique où on vient chercher du service, d'hébergement, de stockage, d'archivage et autres. Mais, et bien évidemment, ce n'est qu'une partie de la réponse. En un sens, l'infrastructure dont on parle, c'est plus un réseau d'infrastructures dédiées, d'infrastructures particulières, certaines sur la publication, certaines sur l'archivage, certaines sur le traitement, certaines sur... Et cette spécialisation, cette dédicace à une fonction particulière, à la collaboration, est-ce que l'on vit en ce moment dans l'évolution ou dans la spécification des services d'une infrastructure? Alors, ça suppose, mais là aussi je reprends des choses que Marin a pu dire, qu'il y ait à l'échelle internationale, donc la dimension internationale là aussi est complètement transversale à notre propos, qu'il y ait une interopérabilité, c'est-à-dire qu'on utilise des standards ou des langages de structuration, des descriptions, de métadonnées, XML, TEI, IPMH, RDF, METS et autres, qui aillent vers une interopérabilité complète. Alors, juste pour faire écho aussi à ce que disait Marin dans le domaine de l'édition, c'est clair que la mutualisation, elle est issue du fait qu'effectivement, du côté de l'utilisateur, il ne peut plus seul, avec son livre, avec sa paillasse, son laboratoire, son carnet ou son enquête, maîtriser ce qui est en train de se produire. Donc, je cite ici un des textes fameux récents de Unsworth, « How not to read a million books », c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a au moins un million de livres devant soi. On peut lancer des automates ou des recherches statistiques, mais lire le million de livres, soit tout seul, ce n'est pas possible. Ou on peut réunir un million de personnes qui lisent chacun un livre, puis on fait une conversation ensuite. Y a des tas de questions qui, effectivement, devant la masse exponentielle des données et des documents, rend de toute façon indispensable la question de l'infrastructure et de la mutualisation. C'est encore plus vrai au niveau des données elles-mêmes qui sont rendues accessibles par les web de data, notamment ce qui est en train de se passer aux États-Unis, où chaque institution qui fait une enquête a la quasi-obligation de mettre en ligne ces données parce qu'elles pourraient être réutilisables, une enquête sur la santé, une enquête sur... sur l'éducation, elle peut être réutilisée par quelqu'un d'autre dans une autre recherche, dans une autre... Alors, là où je voudrais boucler un peu pour vous montrer à quel point mes idées sont désordonnées, ma réflexion est désordonnée sur le sujet, c'est que je crois que les chercheurs sont en train de se demander carrément en quoi, non pas les infrastructures ou les super-infrastructures numériques électroniques aident les sciences humaines et sociales, mais plutôt en quoi les sciences humaines et sociales peuvent aider à réaliser les infrastructures numériques. Et je crois que ce renversement est vraiment intéressant. On attend des humanités, on attend des chercheurs en sciences sociales de penser le numérique, de penser le soit comme fait culturel par rapport à ce qu'on connaît de façon traditionnelle ce qu'est l'image, ce qu'est le texte, ce qu'est telle production artistique, ou socialement, de penser en quoi le numérique est un fait social ou un fait culturel contemporain qui a une cinquantaine d'années depuis Turing ou 20 ans depuis, depuis la naissance du web, mais qui n'est rien d'autre qu'un fait social en train d'évoluer. C'est par exemple ça suppose qu'il y ait peu de fétichisme ou de réification du fait technique lui-même. Je cite là par exemple un anthropologue américain, Arjun Appadurai, pour qui le numérique est bien un des faits majeurs, mais pour lui c'est un des faits majeurs au même titre que étudier les migrations dans le monde, l'effet migratoire qui est un des phénomènes contemporains de la globalisation et de la mondialisation. Alors, tout cela pour au moins converger vers l'idée que on ne peut pas penser d'infrastructure numérique sans qu'elle... C'est presque une tautologie. Elle est forcément internationale, mondialisée. Alors certes, elle va s'exprimer en français, dans des pratiques propres à une histoire technique ou une histoire institutionnelle, universitaire, de la recherche qui est plutôt française qu'anglaise, qu'allemande, qu'italienne ou autre, ou qu'américaine. Mais en fait, elle est d'emblée mondialisée. Ce que vous faites ici, presque aussitôt, est peut-être déjà écouté, entendu, attendu des Japonais, des Coréens. C'est déjà le programme de l'université Cléo est déjà sur le web. J'imagine qu'il y a déjà des gens qui sont en train de se... Ce que je veux dire par là, c'est que l'infrastructure numérique, en fait, pour rester aussi de façon compréhensible pour les SHS, c'est une certaine fonction de l'espace-temps et des réseaux. C'est une sorte de tridimension espace-temps des réseaux. C'est l'espace, c'est au niveau mondial. Le protocole IP-HTTP fait que ce que vous faites, c'est pas simplement publié dans le Provençal ou dans le journal officiel des Français. C'est d'emblée dans un World Wide Web, c'est par ailleurs, ça intéresse spécialement les humanités, c'est la prétention que potentiellement l'ensemble de ce qui est produit restera de façon infinie stocké en mémoire et réutilisable. Bien sûr, c'est qu'une prétention à la limite, mais et troisièmement, le fait qu'il y ait réseau interactif de l'ensemble des utilisateurs. Alors, c'est ce qui définit fondamentalement cette équation espace-temps réseau, le travail d'une infrastructure afin de régler les problèmes de mutualisation, d'interopérabilité ou de processus collaboratifs. Alors, je vais passer plus vite. Toutes ces réflexions un peu théoriques ou un peu globales, qui vous éloignent peut-être de propos de votre semaine de travail, nous les vivons dans ce qu'on peut appeler une coopération internationale. Le TGE Adonis est impliqué dans une coopération très forte, mais en fait une coopération qui, de plus en plus pour nous, devient extrêmement... c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est au contraire, c'est tout le gâteau. La cuisine se fait de façon de plus en plus internationale, au sens où aussi intégrées que soient les fonctions qu'on veut réaliser, dont j'ai parlé tout à l'heure, on sait que c'est pas au niveau national c'est pas une critique contre les compétences ou les performances de tel ou tel dans la recherche ou dans l'enseignement supérieur, c'est que il y a besoin de savoir ce qui se fait et ce qui se fait différemment dans EastSideDoc en Allemagne, dans JISC en Angleterre, dans telle ou telle plateforme en Italie ou en Espagne ou aux États-Unis. Depuis longtemps, il y a des coopérations, bien sûr, plus thématiques. Hein. Par exemple, sur les plateformes d'édition, il y a des coopérations Persée, Cléo Kern, par exemple, avec Erudit au Canada. Bon, Marin vous en dira plus cette semaine. Il y a une feuille européenne qui s'appelle ESFRIE, hein, sur justement les grandes infrastructures de recherche. Et le TGA de Nice est impliqué dans l'une qui s'appelle DARIA, sur les infrastructures dans les humanités numériques. Et en gros, on a un peu ce panorama qui est que au niveau européen, il y a une feuille de route qui est en train de préparer des grandes infrastructures et de savoir comment techniquement, institutionnellement et thématiquement elles vont aider la recherche dans les 5 à 10 ans qui viennent à tout niveau, dans les humanités, dans les outils linguistiques, Larin, et dans les sciences sociales, CESDA par exemple. Il y a d'autres plateformes et d'infrastructures numériques. Adonis, lui, au niveau national, est transversal par rapport à un certain nombre de questions. Et puis, au niveau français, il y a l'émergence depuis à peine un an d'une réflexion sur la nécessité d'une BSN, d'une bibliothèque scientifique numérique. Hein. Je vais continuer et préciser. DARIA, c'est donc quelque chose qui, au niveau européen, reprend un peu ce que je vous ai dit de façon technique. Ça veut dire qu'il y a 5 ou 6 équipes principales qui travaillent sur ces questions de préservation, de publication, de collaboration. Là, c'est le QuickTime qui ne fonctionne pas. Donc ça va rester donc très virtuel. En fait, l'idée qui est assez intéressante, qu'il faut garder, c'est que au bout d'un an, les Européens se sont rendus compte que ça ne pouvait pas être une addition de ce que font les Allemands dans EastSideDoc, de ce que font les Anglais dans Art and Humanity Center et JISC, de ce que font les Français dans le TGA de Nice, de ce que font les Hollandais dans Dance. En fait, il faut essayer de réfléchir sur ce que pourrait être un réseau virtuel de compétences légales, techniques, qui trouverait distribué, qui certes serait assumé par telle ou telle institution, le CNRS pour l'une, mais avec d'autres, et étant situées l'une à Paris, l'autre à Londres et l'autre à Milan ou ailleurs, mais sans que ce soit une simple addition ou d'institution ou de puissance nationale dans la recherche ou l'enseignement supérieur. Alors, je vais passer ça. La dernière remarque, là aussi je vais vous passer, parce qu'en 2 minutes, ça peut... La dernière remarque que je voudrais vous faire, c'est, je crois, sur les questions de gouvernance. Tout ça, que ce soit du côté des impératifs techniques, qu'il faut maîtriser sur la conservation, sur l'accès, sur l'interopérabilité, sur les publications, sur les outils collaboratifs, on s'aperçoit qu'on retrouve à peu près les mêmes ingrédients, mais gérés de façon très très différente dans chaque pays. Un des exemples extrêmes, c'est la réflexion de collègues américains, hein, de tout un ensemble d'institutions qui s'appelle Bambou, où il y a plusieurs centaines d'institutions universitaires, académiques, musées, qui est en train de réfléchir sur une organisation extrêmement rhizomatique de l'ensemble de ce qui se fait. Bon, ça n'a rien à voir avec la version, je dirais, assez verticale et assez centralisée du CNRS, qui serait sa conception du TGA de Nice, par exemple. La façon dont les Allemands organisent EastSideDoc, c'est de créer un énorme middleware qui vaudrait pour toutes les infrastructures scientifiques, et ensuite des applications particulières viendraient se greffer dessus. En fait, on s'aperçoit que à chaque fois, le mixte de socialisation et de formes de socialisation et de mise en œuvre technologique, les réseaux locaux et la façon de globaliser cela est spécifique. Et bon, c'est ce qui fait vraiment l'intérêt de ces confrontations. Voilà, je vous invite à aller sur le site Adonis où il y a une rubrique Veille internationale qui vous apportera des tas d'exemples que j'aurais sans doute pu mieux exploiter, hein, des tas d'exemples de cyberinfrastructures ou de plateformes des sciences humaines et sociales. C'est nos collègues de l'INTD, Elisabeth Caillon et Ghislaine Chartron, qui s'occupent de cette veille internationale, hein, qui est d'ailleurs un gros travail de traduction, hein, et qui vous permet d'être bien en phase avec tout ce qui est en train de se réaliser, souvent dans le monde anglo-saxon, mais pas seulement, hein, en matière d'infrastructures numérique dans les sciences humaines et sociales et plus largement dans les sciences. Merci de votre attention et de votre indulgence. Merci. Merci, l'exercice était un peu difficile dans le temps réduit, mais ça nous a permis de comprendre qu'en fait ça se passe à des échelles différentes. C'était un peu le message qu'on souhaitait passer, c'est qu'il y a des échelles d'acteurs lecteurs, des échelles d'acteurs éditeurs, des échelles, le web est au-dessus ou à côté, il y a des dispositifs technologiques complexes qui doivent assurer la pérennité et l'interopérabilité des sous-systèmes. Et ça, c'est assez complexe à mettre en œuvre, et c'est à ça que vont servir les cyberinfrastructures. Et elles vont peut-être être en mesure de discuter avec d'autres géants que sont les sociétés américaines qui essayent de nous glisser quelques livres électroniques sous le bras. Alors, juste, je voudrais rajouter, parce que moi je dois partir aujourd'hui, Stéphane Pouillot de l'équipe du TGA de Nice, qui est là, sera là toute la semaine, et je ne doute pas qu'il sera amené, soit dans les couloirs, soit de façon particulière dans les ateliers, de vous préciser ce que nous faisons concrètement dans le TGA de Nice, hein, et sur le programme en cours. Hein, voilà. Merci. Alors, donc, quelques mots techniques. On va faire une pause de 22 minutes et à 10h30 on va reprendre, donc la pause aura lieu en bas, mais avant je vais vous dire ce qu'on fera après. Donc il y a une pause de café en bas qui vous est offerte. Ici dans cette salle à 10h30, Alain Pierrot va parler de la convergence numérique dans l'édition, et je suis embêté pour vous parce que ça va être difficile de choisir. En bas, dans la salle du dessous, Cyril Faboukassem va parler des usages de lecture. Normalement vous êtes inscrits dans les salles en fonction des capacités de vos demandes. Voilà, cet après-midi les ateliers, on vous en reparlera plus précisément, et bon café. Merci. Il fallait arriver à...